Il est tout aussi dramatique, mais avec une autre forme de tension. C'est Guillaume. Ah. Ça va les amigos? Mais oui. Non. Alors moi ça va, je suis à 40 cm d'Agnès Yahoui, que j'admire beaucoup. Et vous commencez, moi je suis pas dans la flagornerie en général avec les invités. Ici même quand on a reçu Jean-Marie Le Pen pour Casse-Noisette, je me rappelle, Nagui était comme un fou. Moi j'avais mis des réserves. Je trouvais que Bruno Gollnisch dans le rôle de Clara, sur papier tu disais évidemment, tu vois, mais dans le rendu. Eh bien, pareil ici, je viens de dire Agnès Yahoui, je suis fan, hein, mais pour avoir eu la chance d'assister une répétition de La Tosca de Puccini que vous allez mettre en scène. Il y a des fois où je me suis dit, moi j'aurais pas fait comme ça quoi. J'étais frustré parce que je voyais que vous tâteniez un peu sur les intentions de Puccini. Dans ma tête, j'étais là, Agnès, si tu sais pas, demande-moi quoi. Tu vois, ça va, c'est con. Vous avez votre fierté, je comprends et tout. On n'a pas toujours envie de consulter les spécialistes, mais à un moment, tu disais, faire chanter les gens sans micro, tu vois, en 2019. Enfin bref. Alors je dois vous avouer un truc. Quoi, tu te mouches dans tes chaussettes? Oui, aussi, parfois. Il n'y a pas de honte. Hein. Voilà. Ouais, il a dit Michel Berger. Mais non, ce que je veux vous avouer, c'est que de toute ma vie, je suis jamais allé à l'opéra. Mais non. Restez assise, Leïla, je sais que je vous dégoûte. Je sais que je vous dégoûte. Et que vous n'avez pas signé un terre pour travailler avec un minable. Hein, quelqu'un qui a jamais été chercher le détail. Je t'emmène. Mais j'ai jamais eu les codes, moi, de la grande culture, Leïla. Vous savez, moi, j'étais élevé dans un chenil avec des huskies. On n'allait jamais à l'opéra. Bah oui, forcément, avec tous ces chiens. Premier acte, ça va encore, mais après, ces bêtes, elles veulent se promener. Hein. Mais c'est intimidant, l'opéra, quand on n'a pas les codes. C'est vrai, moi, j'aurais toujours l'impression d'être en décalage avec un monde auquel j'appartiens pas. Fondamentalement, j'en parlais avec l'archevêque de Paris, qui a le même problème avec la Gay Pride. Il me disait, Ernesto, là, tu me vois sur ce char avec une fausse tub en latex. Mais au fond de moi, tout ce que je veux, moi, c'est rentrer au diocèse. Bah, je disais, je sais, monseigneur. Après, Gloria Gaynor, vous le tenez bien quand même. Il me dit, oui, c'est pas qu'une question de disco. Et c'est vrai, c'est une question de code. Par exemple, chaque fois qu'on m'invite dans un concert de musique classique, je me sens toujours débile. Je sais jamais à quel moment il faut applaudir. C'est la honte. Genre, un jour, par hasard, je me suis retrouvé, je sais plus où, là, au concerto pour poil à frire de je sais plus qui, là, un nom en ski ou en F, tu vois, Starsky ou Aruntaziev, je sais plus exactement. Et au piano, il y avait un petit virtuose, comme ça, il devait avoir 17 ans et demi. Tu sentais que ça faisait 18 ans qu'il faisait ses gammes, tu vois. Il faisait des gammes intra-utérines. Il est sorti, il a joué Frère Jacques pour la sage-femme, vraiment. Il était vraiment. Et là, il joue et c'est beau, c'est intense et tout. Et à un moment, le petit virtuose, il arrête de jouer. Et là, je me dis, tiens, la chanson est finie. Je m'en vais applaudir. Moi, je suis un garçon simple, j'aime les féculents. Vous voyez, dans ma tête, on applaudit après les chansons, non? Même au concert de Benabar, tu vois, ne fût-ce que par politesse, quoi. Et sauf que là, il arrête de jouer et je vois personne bouge, quoi. Grand silence. Et je regarde les gens leur dire quoi. C'était pas bien. J'en sais rien, peut-être on lui a demandé un Chopin, il jouait du Manoukian, tu vois, peut-être c'est possible, j'y connais rien. Et là, on m'a dit, on applaudit qu'après les mouvements. Je dis, oh là là. Après, c'est confus cette phrase. Après des mouvements, il a fait plein de bon. Bref. Et ce que je veux dire, c'est que les codes, ils sont étranges. Genre avant le concert, par exemple, il y a une dame qui présente le spectacle et qui dit, je vous promets, elle dit, pour le confort de l'artiste, je vais vous demander de ne pas tousser pendant sa représentation. Et je me dis, putain, c'est quand même chaud, non, de pas tousser. Genre, bête exemple, quand tu dois tousser, tu vois, parce qu'elle l'a présenté comme si c'était un péché mignon, tu vois, oui, on aime tous tousser, hein, vraiment. Et bien, on va le faire après le spectacle, proprement, on a prévu un petit salon de tout, etc., avec des cigares, du miel. Mais moi, j'ai pas les codes pour ça, vraiment. Et c'est difficile de se défaire de ces codes, c'est pour ça que je trouve ça bien que vous essayez de sortir de là en plein air. Allez, bonne émission. Merci, Guillaume. La bande originale, Nagui, sur France Inter.